J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi, puissance divine. Saint-Esprit descend sur nous.